Jean Bosco, Douiman. Bonsoir, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 8 décembre 2016. En voici les grandes articulations. Le médiateur dans la crise burundaise, arrivé hier à Bujumbura, poursuit ses consultations avec différentes personnalités. Il a eu un tête-à-tête avec le président de la République ce matin. Il a eu également des entretiens avec des représentants diplomatiques africaines et européennes. L'ambassadeur de France a promis un soutien financier au dialogue d'Arusha, estimant que cette voie reste la meilleure pour la sortie de crise pour le Burundi. Vous entendrez aussi le secrétaire général du CNDD-FDD, Evariste Ndayishimiye, ainsi qu'Agathon Rwasa, qui ont également été reçus par Benjamin Mkapa. Plus de 2000 moustiquaires utilisés dans la pêche ont été saisis en deux jours sur le lac Rweru. Le directeur national de la pêche envisage une réunion de tous les concernés pour arrêter des stratégies de lutte contre l'utilisation de ces objets non indiqués. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Ce jeudi, le médiateur dans le conflit burundais, Benjamin Mkapa, a rencontré en tête-à-tête le président de la République, puis les ambassadeurs africains accrédités à Bujumbura. Le facilitateur a aussi reçu les ambassadeurs de l'Union européenne. Au sortir de cette rencontre, l'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, a indiqué que la voie du compromis entre le gouvernement et l'opposition externe doit être trouvée. Il a en outre affirmé le soutien financier de l'Union européenne au dialogue externe. Suivez Laurent Delahousse, ambassadeur de France au Burundi. Avec les collègues européens, nous venons de rencontrer le facilitateur de l'EAC, le président Mkapa de Tanzanie, qui nous a écoutés, qui nous a interrogés sur notre vision du processus de dialogue inclusif qu'il est chargé de conduire au nom de l'EAC. Nous avons apporté à M. Mkapa notre plein soutien, car l'Union européenne est derrière les efforts de la médiation internationale pour conduire un dialogue entre les autorités burundaises et l'opposition externe du pays. Nous considérons que la voie du compromis doit être trouvée, que chaque partie doit faire un geste vers l'autre, car sans compromis, on ne trouvera pas de solution aux problèmes politiques que le pays connaît aujourd'hui et qui sont à la source de toutes les difficultés du pays aujourd'hui. Cet esprit de compromis qui s'est incarné à Arusha a malheureusement, en apparence, été perdu et il est absolument essentiel de le retrouver. Est-ce que l'Union européenne va continuer à financer ce dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha ? Oui, le soutien de l'Union européenne et de la France et des États membres de l'Union européenne au dialogue a naturellement également une composante financière. Nous soutenons le dialogue. L'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, au micro de Mireille Kanyang. Et le parti au pouvoir dit qu'il ne peut pas s'asseoir autour d'une même table de dialogue avec des personnes qui sont poursuivies par la justice. C'est le secrétaire général du parti CNDD-FDD qui l'a dit au sortir d'une rencontre avec le médiateur. Evariste Ndayishimiye a indiqué que le parti au pouvoir est prêt à dialoguer avec les autres et les invite à rentrer pour continuer les échanges à l'intérieur du pays. On l'écoute. Il est très difficile qu'un criminel négocie comment il doit être puni alors qu'il y a la loi qui régit les crimes. Donc pour nous, nous disons que participer dans le dialogue des personnes honnêtes qui n'ont pas commis des crimes. Sinon, amener tout le monde, ça serait asseoir l'impunité dans le pays et ressusciter aussi des crimes, et aussi penser aux victimes qui réclament justice. Si vous commencez à négocier comment gérer un criminel, et qu'au lendemain, la victime se venge, qui sera responsable? Ça sera le gouvernement. Alors, le gouvernement ne peut pas accepter que des criminels demandent une place de négociation pour gérer les crimes commis par eux. Donc, nous voudrions que le dialogue soit inclusif, avec des personnes honnêtes. Il y a des gens qui pensent que ceux qui sont poursuivis par la justice pourraient avoir une immunité provisoire pour participer au dialogue et que la justice puisse continuer ses poursuites après ce dialogue. Quelle est la position du parti CNDD-FDD sur ça? Je pense qu'il n'y a pas à négocier avec les criminels. On doit discuter, dialoguer avec des gens honnêtes qui ont conscience pour construire la nation. Évariste Ndayishimiye au micro de Joseph Nsabiyabandi. Au sortir de l'audience avec le facilitateur Benjamin William Kappa, Agathon Rwasa s'est dit tout à l'heure satisfait de voir le facilitateur être préoccupé par le retour de la paix au Burundi. Cet acteur politique a indiqué que si une fois les négociations commencent au mois de janvier prochain, elle ne devrait écarter personne. On l'écoute. Mais personnellement, considérant ce qu'a été l'histoire de notre pays, considérant même la réalité, que gagnerait-on à continuer à nous exclure les uns les autres au lieu de trouver des solutions à notre crise? De toute façon, moi j'imagine que quelque part, même le pouvoir a une part de responsabilité dans les comportements des citoyens et vice-versa. Cela étant, on ne devrait pas condamner l'autre uniquement. On devrait être modéré, on devrait avoir un minimum de modestie et on devrait aussi pouvoir nous contenir par rapport à ce qui nous aura agacé ou énervé à un moment donné. Moi, personnellement, je me dis, ils ont tenté un coup d'État, ils ont échoué. Est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi alors ne pas s'asseoir ensemble et leur demander pourquoi est-ce que vous êtes allés jusqu'à penser à opérer un coup d'État? Si on les exclut, ne serait-il pas une façon de leur dire continuez à penser négativement et au besoin, venez avec des bombes? Et qu'est-ce qu'on gagnerait à ce moment-là? Agathon Rwasa, tout à l'heure, au sortir de l'audience qu'il a eue avec le facilitateur Benjamin William Mukapa, et c'est Évariste Nzikobanyanga qui a recueilli ses propos. La radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, tant que les honoraires ne seront pas encore parvenus au compte du personnel enseignant de l'université Paix et Réconciliation, ces enseignants ne reprendront pas les activités. Et c'est ce que dit un de ces enseignants après la réunion tenue à leur endroit avec le recteur de cette université ce jeudi. Mais cet enseignant indique qu'ils ont espoir que leurs problèmes vont être réglés. Nous avons espoir puisque l'université, l'autorité vient de nous rassurer que le paiement vient d'intervenir, que les honoraires sont déjà dans la phase de compensation au niveau de la Banque centrale. Nous ne pouvons pas nier cela, tout comme nous ne pouvons pas l'affirmer, puisque nous attendons que ces honoraires parviennent effectivement au compte du personnel enseignant. Alors, c'est à partir de ce moment-là que nous pourrions nous réunir encore une fois pour voir si tout le monde est satisfait. Sinon, les activités restent suspendues. Vous comptez rester en grève jusqu'à quand? On ne peut pas compter rester en grève. Tout dépendra de l'attitude de l'autorité de l'université. Si réellement l'information que nous venons de recevoir au cours de cette réunion faisant état du paiement de ces honoraires est correcte, nous allons, à partir du moment où nous allons percevoir ces honoraires, reprendre les activités. Pour ce qui est d'autres irrégularités, on a eu l'occasion d'en débattre et apparemment le climat est de nature à améliorer la situation et nous avons espoir. Le recteur de cette université Paix et Réconciliation, Cyprien Sinzobahamzia, a promis que d'ici lundi, il aura résolu la question de ses enseignants. Et la police a opéré ce matin une rafle des travailleurs domestiques en zone Kinindo, à mairie de Bujumbura. Ceux qui ont été arrêtés ont été obligés de montrer une carte de service délivrée par le collectif des associations des travailleurs domestiques. Ceux qui n'en ont pas ont été acheminés directement à un agent de cette association pour se faire inscrire. Ils indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi la police les oblige à adhérer à cette association. Les détails avec Yves Ngonziman. C'était vers 5h du matin de ce jeudi lorsque la police a effectué une fouille dans certains ménages de la zone Kinindo. Dans cette fouille, la police a opéré une rafle de travailleurs domestiques pour vérifier s'ils ont des cartes de service. Ceux qui n'en ont pas présenté ont été directement acheminés vers un agent du collectif des associations de travailleurs domestiques pour se faire inscrire. Comme nous l'avons remarqué sur les liens, ils étaient en train de se faire inscrire. Certains d'entre eux expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi